d'aller en cours, j'ai plein d'aller-retour. Écrire des rimes, kicker le mic, c'est mon seul recours. Quand je suis à court d'idées ou de solutions, je me réfugie dans le son et me pose plus aucune question. De façon, fils d'immigré, j'ai pas le passé, ce qui dérange, t'étrange. Mais laissez-moi seul, là-haut sur ma branche. Loin d'être au sommet, mes espoirs sommeillent. Les idées chancelles s'en mêlent, s'oublient dans la peine. Je m'émerveille devant rien, peu de choses me filent le sourire. Le pire c'est d'admettre que c'est moi qui les fait fuir. J'arrive à un stade, trop crade, trop dark et trop puant. Je deviens trop bas, trop mou, trop pas assez vivant. Je me trompe pas, non en disant que ça sert à rien d'être méchant. Avec les bâtards qui nous verront toujours comme des petites gens. On n'a pas le temps, dealer qui s'y s'écrame. Mais on a du temps à vivre, mais moi je le passe à glander. Ouais, mon monde est stone, sombre, loin d'être sobre. Je m'identifie qu'à ma peine qui me colle aux potes. J'ai négligé mes potes, mais le reste pour une femme. J'ai plus qu'à subir ce putain de retour de flamme. Ma vie tourne au drame, peut-être pour des conneries. J'en sais rien, j'ai juste perdu la flamme qui m'anime. Et quoi que j'en rime, changerai rien. Ce fameux constat peut pas baisser les bras et tout le monde te le dit. Il me faut un beat lourd pour kicker une pute qui me fasse du pied. Pour que ça décolle dans le studio, faut mettre du blé. Me suis fait duper par l'envers du décor. Ça fait longtemps que j'ai lâché la salle de sport. Celui que je pratique, tu le connais, il est sale. Et tu l'as vu, y'a en remplir un stade, on en remplit des pages à cracher nos vies. On en est devenu barge, étouffé par nos vices. Que verront nos fils d'une capitale en ruine? Aucune idée de ce que le futur nous destine. Très peu d'estime pour ce qui nous entoure. Encore pire quand il s'agit de le dire sans détour. Autour de mon esprit, une fine barrière. Appelé mutisme et sapé mon père et ma mère. J'en suis pas fier, comme de tout le reste. L'impression que tout ce que je touche transforme en merde. Plus aucune verve, aucune ardeur. Je crois bien que cette fois-ci j'ai laissé mon cœur. Plus rien me fait peur, j'ai plus rien à perdre. Mes couilles, ma voix, mon rap, c'est tout ce qui me reste. Quitte à me répéter, je vous emmerde tous. Tombé de mon nuage avec la haine aux trousses. Je repousse les limites de l'autodestruction. Verra bien celui qui veut se détacher. Je ramène des phases de mon vivant. Mon cœur est survivant. Suivant le temps, l'expression des sentiments. Centimètre après centimètre après mètre. J'ai dans la tête deux, trois choses à promettre. Je veux passer mètre, mi-mètre sans en perdre une miette. Je veux des pépettes, que ça pète au parc dans ma tête. Je veux faire la fête, péter l'état, ça m'écorcher la bite. J'ai fait un rêve, j'ai kiffé le beat. Je me suis accroché vite, assez vite. J'ai vidé mon sac à mon rythme, la musique, je lui ai créé, c'est la patte. Non, on a fait un pacte, c'était entre elle et moi. Elle a dit, je ferai de toi quelqu'un si toi tu prends soin de moi. S'il faut des vulgarités pour qu'enfin tu nous respectes, je peux le faire, fils de pute, nique ta mère, va te faire mettre. Et merde, ça c'est des mauvais délires. J'ai déliré à l'idée de décoller et de jamais atterrir. Le rire fait plus partie de mon quotidien pendant que je tire sur mon joint. En même temps, je tire sur mon frein, je suis plein. De bon et de mauvais côté, comme tant d'autres, j'ai pas encore appris à les apprivoiser. On va teaser à la santé qu'on va niquer, on va criser devant le prix à payer dans quelques années. Ou face à nos dernières heures, on se demandera pourquoi putain de merde on a fait tant d'erreurs.